Ouverture à soi et à autrui. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'individu qui vit un processus de conscientisation est appelé à développer la capacité d'être ouvert à lui-même, c'est-à-dire être à l'écoute de son intuition, de son ressenti, de son intériorité. Et souvent, c'est à travers des événements difficiles de la vie que la personne va s'intérioriser, parce que sans ça, son attention est tournée vers l'extérieur de lui-même. Donc, quand une personne, ça va bien dans sa vie, la personne a de l'argent, elle a la capacité de voyager, elle a des loisirs, à travail, elle est occupée. Donc souvent, son attention est tournée vers les sens qui se rapportent à son corps physique, que ce soit la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et c'est tout à fait normal. Donc l'individu qui se développe va porter son attention par rapport aux sens physiques. Et c'est souvent à travers une situation difficile qu'elle n'aura pas choisi en tant qu'ego auquel elle est confrontée, qu'elle va s'intérioriser en réaction à l'événement pour aller voir à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je vis ça. Donc, elle peut se questionner. Elle peut aussi, en s'intériorisant, vivre un contact avec sa contrepartie cosmique, son esprit. Et là, ça peut lui parler à l'intérieur d'elle. Donc, c'est une partie d'elle-même que l'individu découvre en portant son attention vers son intériorité, qu'il peut percevoir à travers sa sensibilité. Et à ce moment-là, ça peut lui parler à l'intérieur de lui. Donc, il peut s'ouvrir à son esprit. Donc, il peut s'ouvrir à son intérieur. Donc, l'ouverture à soi, c'est un mouvement qui permet à l'individu de regarder la réalité en fonction des idées intelligentes qui proviennent de son esprit, qui vont émerger à l'intérieur de lui, étant donné que la pensée ne provient pas de l'individu. Donc ça, c'est un mouvement. Et l'ouverture à autrui, c'est par rapport aux gens de son environnement. Donc autrement dit, l'individu qui se conscientise doit être capable de tenir compte du point de vue des individus de son environnement, parce que s'il est juste centré sur lui-même, à ce moment-là, il vit juste en fonction de son ego. Donc il faut que l'individu, à quelque part, soit capable de tenir compte de l'intelligence qui peut provenir des individus de son environnement, pour être capable de se ajuster en conséquence. Donc, autrement dit, les ajustements, c'est à différents niveaux. Si, par exemple, il y a des gens de son environnement qui lui disent qu'il parle trop fort en leur présence, ben, il peut s'ajuster en parlant d'une manière un peu plus basse. Donc, il y a différents types d'ajustements qui peuvent se faire avec son environnement dans le but de ne pas créer des chocs inutiles, et de ne pas manquer de respect à certains individus. Donc, des fois, les gens font des agissements, mais comme ils ne s'ajustent pas à leur environnement, ben, c'est des agissements qui vont créer des chocs, qui vont créer des contre-coups, parce que ce sont des gestes qui ne seront pas dans le respect de la sensibilité d'autrui. Mais bien entendu, l'individu doit respecter aussi sa propre sensibilité et doit établir un équilibre entre les rapports qu'il a avec autrui et également les rapports qu'il a avec lui-même. Donc, en ce sens, l'individu qui devient conscient ne doit pas, quelque part, se laisser dominer par son environnement et négliger ses propres besoins, parce que sans ça, ça crée un déséquilibre. L'individu devient frustré, ça peut l'amener à se sentir dépressif, ça peut l'amener à se sentir écrasé avec le temps, donc en perte de vitalité, en perte d'énergie, dans un état d'étouffement. Donc, si l'individu sacrifie pour son environnement ou fait primer les gens de son environnement sur lui-même pendant une longue période de temps, ben, ça peut amener une dégradation de l'individu parce qu'il perd contact à ce moment-là avec son individualité. Donc, il n'a pas de sens d'individualité propre, étant donné qu'il a comme point de référence le collectif. Par contre, si l'individu vit en fonction de lui-même, sans tenir compte des autres, eh bien, cette situation peut occasionner aussi des déséquilibres. Donc, autrement dit, si la personne vit en fonction de sa sensibilité, donc elle dit ce qu'elle a à dire, elle est bien dans sa peau, mais si ce qu'elle a à dire ne peut pas être absorbé par son environnement, parce que les gens n'ont pas la sensibilité pour intégrer les propos de nature vibratoire qu'elle peut avoir, étant donné qu'elle est entourée de gens qui ne vivent pas de manière simultanée à elle le processus de la fusion, eh bien, ça risque de créer des chocs inutiles et cette personne s'expose à vivre du rejet. Donc, autrement dit, c'est sûr que si la personne qui vit un processus de conscientisation se met à parler des contacts télépathiques qu'elle a avec des entités, que ce soit avec des membres de sa famille, ses amis, ses collègues de travail, alors que ces gens-là ne vivent pas consciemment de tel type de contact psychique ou des expériences paranormales qu'elle raconte qu'elle a vécues ou des perceptions qu'elle a eues d'extraterrestres, d'objets volants non identifiés, donc différentes choses qui ont attrait à ce qui sort de la normalité, donc de nature paranormale. Donc, si elle parle de ça avec des gens dans son environnement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont la rejeter. Il y a des gens parce que ça ne fait pas partie de leur expérience. Il y a des gens qui peuvent la ridiculiser parce que ça ne fait pas partie des choses qu'ils sont habitués d'entendre. Donc, c'est sûr que la personne s'expose à se mettre dans une situation en étant très dans le dévoilement avec son environnement à vivre du rejet. C'est pour ça que l'ouverture à autrui ne doit pas nécessairement être absolue chez l'individu qui se conscientise parce que ça peut le mettre dans un état de déséquilibre avec son environnement. Et lorsque la personne se conscientise et vit avec la fusion avec l'esprit, elle tombe dans un registre qui doit l'amener à faire preuve de beaucoup de discrétion. Car ce n'est pas parce qu'elle vit ce processus sur le plan psychique que les autres personnes sont obligées d'en entendre parler. Donc, autrement dit, le rapport qu'a l'individu avec autrui est extrêmement délicat parce que d'un côté, autrui ne doit pas lui marcher sur les pieds. Donc, autrement dit, la personne qui développe une certaine sensibilité, une vibration qui est plus mentale, qui est plus affirmée, elle ne doit pas se laisser influencer ou imprégner de vibrations plus basses qui vont l'amener à vibrer à des émotions qui vont le perturber abaisser sa vibration. Donc, autrement dit, la personne doit être capable de composer avec des gens dans son environnement qui n'évoluent pas au même rythme que lui. Donc, s'il y a des gens qui ont des vibrations plus basses que lui, il ne doit pas se laisser imprégner par les basses vibrations. Mais en même temps, il ne doit pas manifester une vibration plus haute que celle de ces gens à travers des propos chocs s'il n'a pas la vibration que c'est intelligent d'agir ainsi. C'est sûr que si quelqu'un qui se conscientise se fait marcher sur les pieds par une autre personne qui lui manque de respect, ben, ça fait partie de son droit de lui la remettre à l'ordre. Mais s'il la remet à l'ordre, il n'est pas obligé nécessairement aussi de créer un gros choc énergétique d'une manière disproportionnée. Donc, tout ça manque de délicatesse. Si la personne se fait dire un commentaire, puis là, elle se met à crier, puis à hurler à une autre personne au niveau physique, c'est le même type de déséquilibre qui peut avoir cours dans des rapports entre un individu qui vit un certain niveau de conscience et des gens de son environnement. Donc, autrement dit, il faut que l'individu qui vit un processus de fusion et un équilibre entre une ouverture à lui-même et par rapport aux autres. Parce que s'il n'est pas ouvert aux autres, ben, il n'est pas capable d'interagir dans une société qui ne vit pas le processus. Et s'il n'est pas ouvert à lui-même, ben, il se coupe du contact qu'il peut avoir avec son esprit et des communications télépathiques qui peut l'amener à avoir une compréhension qui est à l'avant-garde, qui est au-delà de la compréhension actuelle de la société, mais qui sera éventuellement utile à la civilisation présente au fil des siècles lorsqu'elle sera en mesure d'intégrer davantage d'idées nouvelles. Donc, autrement dit, il y a des individus présentement qui sont des pionniers, des précurseurs, donc des gens qui ont une capacité d'intercepter des idées de haute vibration et qui sont tout simplement là, présentement sur Terre, en situation d'incarnation, pour progressivement intégrer sur le plan personnel des idées nouvelles, changer leur mode de vie et qu'éventuellement, les gens de leur environnement s'inspirent de leur mode de vie ou des idées qu'ils diffusent pour améliorer concrètement leur propre sort et éventuellement, ces idées se propagent à l'ensemble de l'humanité pour favoriser une évolution collective au fil des siècles. Mais bien entendu, l'individu qui se conscientise ne vit pas en fonction d'une évolution collective parce que c'est extrêmement long avant que ça soit terminé, avant que ça prenne forme, que la société se développe, et ainsi de suite. Non, il vit en fonction de lui-même et il a pour priorité tout simplement d'être bien dans sa peau et s'organiser continuellement pour être bien dans sa peau. Et l'une des façons d'y arriver, c'est de gérer avec intelligence un état d'ouverture à soi et également aux autres personnes dans son environnement. Donc, l'individu ne se laissera pas dominer par les autres et ne cherchera pas non plus à dominer autrui. Donc, il va chercher des rapports équilibrés. Donc, il ne cherchera pas à occasionner des conflits ou il n'occasionnera pas la guerre. Par contre, il ne se laissera pas marcher sur les pieds par autrui. Il sera capable de s'affirmer en proportion de la puissance de sa vibration et de sa volonté pour faire respecter ses droits et sa psyché. Parce que l'enjeu fondamental de l'individu qui se conscientise, c'est d'être capable d'élever son taux vibratoire, même s'il ne se retrouve pas nécessairement dans un environnement au niveau immédiat qui va favoriser cela. Donc, c'est comment être en équilibre et rehausser constamment sa vibration alors qu'on peut être entouré de gens qui vivent dans un état relatif d'inconscience. Donc, comment rester conscient tout en étant parmi une grande quantité de gens qui ne le sont pas et vivre un état d'équilibre psychique et être capable d'interagir quand même avec eux. Donc, c'est ça le grand défi qui se rapporte à l'individu qui se conscientise, c'est d'être capable de développer son intelligence, sa volonté et son amour dans un contexte qui n'est pas nécessairement propice pour ça et d'être capable de faire face aux oppositions qu'il peut connaître dans son quotidien. Bien entendu, si quelqu'un amène des idées nouvelles qui sont trop en avant-garde par rapport à certaines personnes ou trop divergentes, eh bien, c'est des idées qui peuvent créer des chocs, qui peuvent créer du rejet, des réactions émotionnelles. Donc, l'individu conscient doit être capable de réaliser que plus qu'il est en mesure de canaliser des idées qui sont nouvelles, des idées qui sont pionnières de changements sociaux, et plus qu'en proportion, il doit être capable de faire de la retenue d'informations ou d'en dévoiler seulement au compte-gouttes ou en partie avec des gens de son environnement pour ne pas les déstabiliser inutilement, et plus qu'il doit développer aussi la maturité psychique pour savoir ce qu'il peut dire aux gens de son entourage, pour les amener un petit peu plus loin dans leur processus de conscientisation, mais en même temps, ne pas nécessairement chercher à les amener à être en contact avec des idées qui sont au-delà de leur capacité d'absorption. Donc, l'individu doit être capable de faire preuve d'un jugement par rapport aux gens de son environnement pour savoir quoi leur dire en fonction de leur taux vibratoire, leur niveau de développement, pour les amener un petit peu plus loin à comprendre certaines choses, mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin, parce que sans ça, c'est plus nuisible qu'utile. Donc, il faut savoir jusqu'où aller, et pour savoir jusqu'où aller, il faut être capable de faire une lecture vibratoire des gens qui nous entourent, pour savoir, par rapport à ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de prendre ou non, et ensuite d'agir en conséquence. Et c'est vraiment ça qui va permettre à l'individu qui se conscientise d'avoir des rapports équilibrés avec les gens qui se trouvent dans son environnement.